Chapitre 6e. La plupart des personnes qui se trouvaient ce soir-là à l'opéra se rendirent après la représentation dans l'un des plus splendides hôtels de l'île Saint-Louis où se donnait un bal au profit des Polonais. M. Dallon s'y était laissé conduire. Sa tête était pleine de bourdonnements confus comme celle d'un homme plongé sous l'eau. Il s'assit à une table de jeu, joua et perdit. La fièvre des cartes calma la fièvre des sens. Il se leva plus tranquille et rentra dans les salles du bal. Il n'était pas au bout de la galerie qu'un mouvement de la foule l'arrêta. Tout le monde s'écartait autour de lui, laissant, avec des murmures flatteurs, un passage libre à une jeune femme qui s'avançait au bras d'un jeune homme. M. Dallon la regarda. C'était l'étrangère du balcon de l'opéra. « Qu'elle est belle !» disait un colonel russe écrasé de rubans de toutes couleurs. « Je l'ai vue il y a quelques mois aux eaux d'Ems et elle me semble encore embellie. »« Vous connaissez cette étrangère ?» s'écria M. Dallon en saisissant le russe par le bras. « Par Dieu, son mari a failli me tuer parce que je lui faisais la cour. »« Son mari à elle ? Où est-il donc ? Mais vous le voyez, à son bras. »« Ce grand jeune homme blond, son mari ?»« Lui-même, le baron Arnold d'Einsfeld. » Le comte porta ses deux mains à son front. Cette femme s'appelait Esther, elle était mariée à un Allemand, et c'était bien celle qu'il avait vue dans la nuit du bal masqué. Un rêve le prenait corps à corps. Il voulut en finir avec ce rêve. Il salua le colonel russe, et se dirigea vers le côté de la galerie où il lui semblait que Madame d'Einsfeld s'était retirée. Un flot de curieux et d'admirateurs l'en séparait, mais il fendit la presse et s'approcha d'elle. On ne voyait pas dans tout l'hôtel Lambert un coin de salon où il y eut autant de gants jaunes, de souliers vernis, de cravates blanches et de bas de soie. C'était à ravir 10 journaux de mode. 20 jeunes gens sollicitaient l'honneur de danser avec l'étrangère. « C'est une course au clocher où il n'y aura que des distancés et pas un vainqueur, » dit en passant un vieux gentilhomme qui prétendait que la galanterie avait disparu avec la Bastille. Au moment où M. Dallon s'avança, Mme d'Einsfeld se leva. « Je crois, messieurs, » dit-elle à tous ses admirateurs, « que vous avez parfaitement raison. Mais permettez-moi de croire aussi que je n'ai pas tort. Voilà M. le comte Dallon qui vient à moi, et c'est à lui que cette valse appartient. » « Mais après lui, » s'écria sur toutes sortes de tons qui n'ont pas été notés l'escadron parfumé des raffinés constitutionnels. « Oh, messieurs, les valses passent et la danseuse reste. » En achevant ces mots, Esther d'Einsfeld glissa son bras sous celui de M. Dallon et s'éloigna. Après ce que le comte avait vu, le sang-froid de l'étrangère n'avait rien qui pût l'étonner. Il se jeta dans la foule, sentant à son bras la douce pression du bras d'Esther. Cette voix douce et vibrante avait des accents qui réveillaient au fond de son cœur 1000 souvenirs tout à la fois charmants et douloureux. « Ainsi, vous m'avez reconnu, » lui dit-il. « Et vous, m'avez-vous pardonné ?» répondit-elle en levant vers M. Dallon ses yeux bleus tout mouillés d'une flamme timide. « Ai-je donc rien à vous pardonner à vous ? À moi non, si vous pensez à elle en m'ayant près de vous. » Henri frissonna. Il regarda sa compagne, dont un divin sourire éclairait le visage. « Si ce n'est pas son âme, c'est un démon, » pensa-t-il. « Vous vous taisez, » reprit-elle. « Ainsi, vous m'en voulez. » « C'était donc vous. » « Croyez-vous qu'une autre encore ait son visage ?»« Non, et cependant j'ai douté. C'était-elle vivante, jeune, belle ? J'ai cru, vous le dirai-je, j'ai cru la revoir en vous voyant. » Le bras d'Esther d'Einsfeld pressa doucement le bras d'Henri. Ses yeux se baignèrent d'une lueur profonde et tendre. « On m'avait parlé de votre amour. On m'avait dit ma ressemblance avec elle. Un postillon qui avait assisté à la catastrophe du 17 octobre m'en avait raconté les détails. » Je suis d'un pays où l'on suce le goût des songes fantastiques avec le lait. Une folle, une cruelle idée m'a traversé l'esprit. J'ai voulu faire une légende en action, une légende à Paris, au XIXe siècle, avec un petit-fils de Voltaire. Femme, j'ai obéi à mon caprice et j'ai joué avec votre cœur. C'est mal et me le pardonnerez-vous jamais ? Comme elle disait ces mots, l'orchestre joua les premières mesures d'une valse de Strauss. Esther s'inclina au bras d'Henri. « C'est un jeu, lui dit-il tout bas, où j'ai failli perdre la raison. Ce que j'ai souffert, nul ne le saura jamais, mais je ne vous le reproche pas. Grâce à vous, ne l'ai-je pas revu ? Vous l'aimez donc toujours ? Je l'ai aimé du jour où je l'ai perdu. » répondit le comte avec une terrible franchise. Je l'aimais encore hier. » Un éclair flamboyant dans les yeux de Madame d'Heinsfeld. Elle abaissa ses longues paupières et sa main trembla dans celle d'Henri. « Oui, » reprit-il, « oui, je l'aimais hier, je l'adore aujourd'hui. » L'étrangère voulut s'éloigner, M. Dallone la retint. « Oh, tenez, » continua-t-il, « je suis fou. Je ne sais qui vous a donné ce regard, ce sourire, cette beauté où son âme vit. Je ne vous ai rencontré que pour vous perdre. Vous êtes comme une ombre qui m'effraie et que j'aime. Vous n'êtes pas elle et Dieu vous a donné le nom d'Esther. Esther, ce nom si doux à mes lèvres, remplit mon cœur, mon souffle le caresse, il me brûle et me charme. Esther, Esther, je vous aime. » « Henri, taisez-vous, mon Dieu, taisez-vous, » murmura Madame d'Heinsfeld, qui palpitait au bras du comte. Sa voix était mourante comme un soupir, ses yeux s'alanguirent et se fermèrent, un frisson courut sous sa peau blanche et sa tête s'inclina doucement. Le cœur sautait dans la poitrine d'Henri, un nuage rouge passa devant ses yeux, et dans ce nuage il vit le visage pâle d'Esther qui lui souriait. Son âme lui criait qu'elle était morte, et son amour lui criait qu'elle était vivante. Un désespoir sans borne, une joie infinie l'écrasait à la fois. Cependant, les rêves illusoires s'envolèrent avec les derniers soupirs de la valse. Sans prendre garde à ce qu'il faisait, M. Dallone prit le bras de sa compagne et l'entraîna au milieu des salons. « Je vous regarde comme on regarde la vie à l'heure de la mort. Derrière vous, c'est la nuit, » lui dit-il. La main d'Esther trembla dans la sienne, puis un gai sourire illumina ses traits. « Avant que vous m'eussiez vu, c'était tout au moins le crépuscule, » dit-elle. « Demain, ce sera l'aurore. »« Hier, elle était morte. Elle est vivante aujourd'hui, » reprit-il avec un entraînement passionné. « Je m'efforçais d'oublier. Maintenant, ne serez-vous pas toujours présente à mon souvenir ? Je l'ai vue. Je l'ai tenue entre mes bras. Sa bouche m'a souri. Son haleine a caressé mon front. Elle, c'est vous. Esther, Esther, ne vous reverrai-je plus ?» La tête de Madame d'Heinsfeld s'était inclinée sur son sein. Quand elle releva les yeux, une larme tremblait au bord de ses cils. « Non, » dit-elle, comme si elle se fût parlé à elle-même. « Non, c'est impossible. Cette effrayante illusion, chassez-la. » En ce moment, Paquita passait au bras de Sir Arthur. Elle reconnut l'étrangère, et se penchant rapidement vers M. Dallone, elle dit tout bas « L'Allemagne a gagné et le Pékin a perdu. » Tout à coup, Madame d'Heinsfeld se tourna vers le comte. « Vous voulez me revoir ? Vous le voulez ? » dit-elle en regardant Paquita. « Au prix de ma vie, je le demande, » répondit M. Dallone, qui n'avait vu ni entendu Paquita. « Eh bien, vous me reverrez. Soyez demain au bal de l'opéra, j'y serai. N'est-ce pas là que notre connaissance a commencé ? » reprit-elle avec un étrange sourire. « Il est juste qu'elle s'y continue. Le lieu, l'heure et le jour, vous saurez tout. » M. le baron Arnold Heinsfeld venait au devant d'Esther. Elle quitta le bras de M. Dallone et, prenant celui du baron, s'éloigna dans la foule. Entre le bal de l'hôtel Lambert et le bal de l'opéra, il y avait 24 heures. Henri eût donné volontiers 10 ans de sa vie pour les faire disparaître en une seconde. Le sommeil fuyait sa paupière. Il erra par les rues jusqu'au matin, prenant les passants pour des ombres. Au point du jour, il sauta sur son coureur favori et parcourut au grand galop les allées du bois de Boulogne par 17 degrés de froid. Cela lui prit 3 ou 4 heures et lui coûta un cheval. Vers midi, il se rendit au Jockey Club, déjeuna et joua. Il gagna 5 heures et perdit 20 000 francs. Le comte estima que c'était beaucoup d'heures pour bien peu d'argent. La nuit vint et la fièvre le prit. Il s'en alla sur les boulevards, jetant à chaque tour un regard sur les portes de l'opéra. Il fallut dîner. Il entra à la Maison d'Or, s'assit, lut 3 journaux 2 fois de suite sans y rien comprendre, ne mangea rien, paya la carte et sortit. Il était 9 heures. Le comte courut s'habiller. Encore 2 ou 3 heures où il allait revoir Esther. Ce nom faisait bondir son cœur. Tout en nouant sa cravate, il se regarda dans une glace. Son visage était trempé de larmes. Une minute avant, il chantait et riait. « Mon Dieu, dit-il, je deviens fou. » À 11 heures, il partit en voiture pour l'opéra, prétextant que toutes les pendules de son appartement retardaient, franchit le péristyle en courant, culbuta sur l'escalier 2 garçons qui clouaient un tapis et se jeta dans le foyer où il n'y avait personne. Vers minuit, les premiers dominos commencèrent à frôler les tapis de leurs pieds furtifs. Henri se planta sur l'horloge comme un écolier. Si les femmes qu'il connaissait venaient prendre son bras, il les écartait. Lorsque celles qu'il ne connaissait pas le plaisantaient sur sa patiente immobilité, il ne leur répondait pas. Dans ce murmure immense de 10 000 voix, il n'avait d'oreille que pour une voix. Au milieu de cet océan confus qui le pressait de ses flots sombres et vivants, il ne cherchait qu'une femme. Voilà le règne d'Esther II qui commence, dit M. de T. en montrant M. Dallone à Paquita. Cependant, les heures s'écoulaient et le comte restait seul. Là d'attendre sous cette horloge où tant d'amoureux ont souffert le martyre de rendez-vous promis et oublié, M. Dallone se jeta comme un fou au travers de la cohue. Il croyait voir partout l'insaisissable domino et ne le rencontrait nulle part. Le bal touchait à cet instant où la foule indécise erre lentement des foyers au couloir et s'écoule comme un torrent fatigué par les larges escaliers semés çà et là de danseuses pâles et démasquées. Les murmures de 1000 conversations mourantes n'étouffaient plus le bruit de l'orchestre, dont les fanfares cuivrées rebondissaient jusqu'au fond de l'immense théâtre. Des femmes solitaires passaient, cherchant l'amant de la veille au milieu des groupes où quelques-unes trouvaient l'amant du lendemain. D'autres, épuisées par d'accablantes fatigues, sommeillaient dans les loges entr'ouvertes, les bras croisés sur le velours, la tête sur les bras, le corps affaissé et du pied battant la mesure qu'elles n'entendaient plus. À toute minute, on voyait monter par les deux vomitoires du théâtre des flots de masques bariolés, livides, haletants, qui répondaient par des cris rauques aux derniers appels des trompettes et s'enfuyaient. C'était une confusion pittoresque de couleurs, de formes, de bruits, une agitation fiévreuse, un tohu-bohu éclatant, plein d'aspects joyeux et lugubres. C'était partout des visages hâves, marbrés de tons bleuâtres, flétris à 20 ans, sans regard et sans voix. Puis des femmes lestes et fringantes, corps d'acier sous des robes de soie, qui frémissaient d'impatience et de plaisir, natures indomptables qu'on ne rencontre qu'à Paris et qui lassent le carnaval sous leurs pieds délicats. Les lustres s'éteignaient comme des astres à leur déclin dans une atmosphère embrasée, toute chargée de vapeur, et sous leurs flammes expirantes, on voyait passer le galop retentissant, formidable, ronde de danseurs en délire à qui manque le pinceau de Callot. La vaste enceinte de l'opéra avait l'aspect d'un champ de bataille. Une partie de l'armée s'était débandée au hasard, l'autre s'agitait, et comme la messaline du poète, allait et venait, lassée peut-être, mais non rassasiée. C'était horrible et gai tout à la fois, un spectacle à faire rire ou pleurer. En ce moment, une femme couverte d'un domino de satin ample et flottant arrêta M. Dallone par le bras. Avant qu'elle ouvert la bouche, le comte l'avait reconnue. « Esther » s'écria-t-il. « J'ai tenu ma promesse, » répondit le domino. « Me voici. Bien tard. Trop tôt, peut-être. » L'accent de cette voix fit tressaillir M. Dallone. « Non, non, jamais. » reprit-il. « Au revoir et ma joie. » « Qu'importe après ? Dites, vous reverrai-je »« Oui. »« Quand ?»« Demain, 8 heures du soir, à l'hôtel de la rue Le Pelletier. »«